Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le deuxième numéro de la Popote des idées. Jusqu'à 11h30, on décrypte avec nos invités un sujet qui fait débat. Aujourd'hui, la personnalisation en politique. Depuis quelques mois et jusqu'en début d'année prochaine, on entend et n'entendra parler que d'eux. Les candidats à la présidentielle rivalisent dans la démonstration de force. Mais que veut dire cette bataille? Les candidats sont-ils à la recherche de gloire, de reconnaissance médiatique, ou veulent-ils donner du crédit à leur programme? Tout près d'ici, il y a quelques semaines, se tenait le SPACE, le Salon International des Productions Animales. Durant les 4 jours de salon, Emmanuel Macron, Jean-François Copé, Nicolas Dupont-Aignan, Stéphane Le Foll, Bruno Le Maire, Jean-Yves Le Drian, Alain Juppé et François Fillon sont allés fouler les allées du Parc Expo. Comme l'affirme la direction du SPACE, jamais une édition du salon n'avait vu passer autant de politiques. Qu'ils soient présents, c'est bien, mais concrètement, à quoi ça sert? Certainement pas pour faire des discours originaux, ceux-ci se ressemblent et la nuance entre les paroles se trouve dans les termes. Les agriculteurs m'en trouveront toujours à leur côté, lance Alain Juppé. L'agriculture doit être portée au sommet de l'État, selon Bruno Le Maire. Bref, pas de différence flagrante. Pour comprendre leur présence, il faut plutôt se tourner vers ce qu'elles symbolisent. Être au contact des gens, leur donner l'impression de les entendre, de les écouter, mais surtout, se montrer, afficher une présence pour ne pas passer pour un candidat mou, inactif ou qui ne serait pas au contact de la population. Pourtant, ce contact est-il vraiment utile quand on sait que 9 Français sur 10 n'ont pas confiance dans leurs représentants politiques? On fait donc face ici à une difficulté de compréhension. On a d'un côté des personnalités qui veulent incarner un nouveau pouvoir présidentiel qui vont à la rencontre, de l'autre côté, de citoyens qui ne semblent plus leur faire confiance. Alors, avons-nous besoin de personnalités politiques providentielles? On en parle jusqu'à 11h30. Pour aborder le sujet, je serai accompagné cette semaine encore de Colin et Clément. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Clément, tu allais donc à la rencontre des jeunes républicains d'Ille-et-Vilaine lors de l'une de leurs réunions. Et tout à fait, c'était le 19 septembre dernier et j'ai eu l'occasion de rencontrer 4 adhérents, une adhérente et 3 adhérents, afin de pouvoir leur poser quelques questions sur la primaire de la droite et du centre. Et donc on écoutera ça au milieu de l'émission. Colin, pour ta chronique, de quoi tu vas nous parler? Et donc comme chaque semaine, on va parler de médias dans ma chronique et aujourd'hui, une devinette, Emmanuel Macron nous mène en bateau, son plan com tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Eh bien pas son programme. Très bien, merci au passage à Yves et Arthur pour la technique et bien sûr au Club de la Presse de Rennes et de Bretagne qui nous permettent de pouvoir enregistrer l'émission. Vous connaissez l'équipe et le sujet, la popote des idées, c'est jusqu'à 11h30 sur Radio Laser. Et pour discuter de ce sujet aujourd'hui, je reçois 3 invités. Christian Lebard, bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes professeur de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Rennes. Et vous êtes aussi auteur notamment de L'ego politique, essai sur l'individualisation du champ politique. C'est paru en 2013 aux éditions Armand Collin. Pour discuter avec vous, je reçois Jim Delémont. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes étudiant en deuxième année à Sciences Po Rennes et vous êtes aussi responsable de Sciences Po Rennes Insoumise, un groupe d'appui à la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour les prochaines présidentielles. C'est bien ça? C'est bien ça. Et enfin, je reçois Jonathan Houillot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre des Jeunes Républicains d'Ille-et-Vilaine et, si je me trompe, votre soutien se tourne plutôt vers François Fillon. C'est bien, c'est là. C'est ça. Une première question, peut-être, pour commencer et pour définir un peu le sujet, c'est qu'est-ce qu'on entend par personnalisation politique, puisque ça peut ne pas être clair pour tout le monde. Alors, vous, dans votre introduction de livre, Christian Lebart, vous décrivez l'ego politique, on peut peut-être faire un rapprochement entre les deux, comme une politique qui met en scène des individus plus que des institutions, qui valorisent les ressources individuelles plus que les ressources collectives et qui accordent à la singularité autant d'importance qu'à l'exemplarité. Ma première question, ce serait de me demander, est-ce que mettre en avant les individus, comme vous le dites, est-ce que ça empêche une bonne compréhension des idées après que les candidats peuvent proposer? Alors, c'est une question tout de suite très compliquée. Pour y répondre, on peut dire ceci. À la base, la vie politique, elle se structure autour d'institutions. Les partis politiques, le gouvernement, le Parlement, tout ça, ce sont des institutions. Le problème, c'est que les institutions, ça ne parle pas, ça n'a pas de corps, ça n'a pas de visage, ça ne sourit pas. Et donc, du coup, ça passe mal la rampe de la médiatisation. Donc, à partir du moment où la télévision devient, à partir du moment où la vie politique, pardon, devient de part en part médiatisée, il faut que cette vie politique, elle s'incarne, il faut que les institutions, elles s'incarnent. Alors, dans un premier temps, elles s'incarnaient par ce qu'on appelait des porte-paroles, qui représentaient les institutions et qui étaient désignées par elles. Et puis de plus en plus, ces porte-paroles s'autonomisent, deviennent ce qu'on appelle des personnalités politiques. Et aujourd'hui, on est dans un contexte très particulier, c'est-à-dire de tension entre le monde des institutions et le monde des médias. Et notre vie politique, elle est le point de rencontre, le point de tension entre deux logiques qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre, des institutions qui existeraient comme collectifs avec des normes, des règles, etc., et des porte-paroles, et puis des individualités qui fonctionnent comme Emmanuel Macron, par exemple, c'est-à-dire comme des entrepreneurs individuels. Et alors, Jim Delémont, pardon, à travers Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous pensez que c'est une figure qui... comment vous la décririez pardon, par rapport à ce que Christian Lebart disait? Est-ce que c'est il représente un parti, même si on dit qu'il s'est lancé, on voit qu'il s'est lancé dans sa campagne de façon un peu indépendante, grâce à la France Insoumise, justement, le mouvement dans lequel vous êtes? Tout à fait, il y a une forme de personnalisation de la politique, en effet. Mais après, est-ce que c'est tant de la faute des candidats que de celle des institutions? C'est ce qu'on tente de démontrer aussi avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon et donc de la France Insoumise, où on dénonce justement le fait qu'on est obligé de jouer avec les règles qui sont en place, c'est-à-dire celle de la Ve République, qui est une Ve République monarchique, une monarchie présidentielle, où c'est un seul homme qui a le pouvoir qui est concentré entre ses mains. Donc forcément, à partir de là, on est obligé de jouer avec ces règles, de faire avec, d'essayer de s'adapter. Et bien sûr, c'est une critique récurrente qui vient à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon, qu'on dénonce son ego surdimensionné ou quoi que ce soit. Mais en même temps, dans la logique qui est celle d'aujourd'hui, c'est difficile de faire autrement. Et alors François Fillon, si on peut dire, et même dans la droite, qui ne sont pas donc opposés officiellement à la République telle qu'elle est actuellement, la Constitution, est-ce que la personnalisation qu'ils montrent quand même, puisqu'ils incarnent quand même des personnalités politiques importante, est-ce qu'elle doit être revendiquée et comment vous l'expliquez-vous? Je pense qu'il faut une personnalisation du pouvoir, puisque le président, c'est celui qui représente la France à l'international. Donc il faut qu'il puisse être représenté et avoir les Français derrière lui. Mais pour avoir les Français derrière lui, il faut qu'il ait le courage de ses convictions et de faire les réformes qu'il promet lorsqu'il est candidat à une élection et qu'il a jusqu'au bout ses réformes. Après ça, je pense qu'on retrouvera confiance dans nos politiques et qu'enfin, l'homme politique, le président, pourra être à la hauteur de sa fonction et être suivi par tous les Français. Et alors, on critique un peu là, on critique ou pas, mais la fonction de personnalisation de la politique. Mais alors, au final, elle a toujours existé, un peu que ce soit à travers la figure du roi, de l'empereur dans l'histoire. On remonte un peu loin, mais ça, il y a quand même toujours eu une personnalisation assez importante dans la politique. Pourquoi est-ce qu'il arrive qu'aujourd'hui, Christian Lebart, par exemple, on arrive à vouloir certains pour changer de république, de constitution, pardon, pour qu'elle soit moins existante, cette personnalisation? Alors, vous avez évidemment raison de mettre l'accent sur la Constitution de 58 en tant qu'elle donne à voir, évidemment, une personnalité tout à fait centrale, le chef d'État, qui plus est, à partir de 62, élu au suffrage universel. Donc, ça veut dire feuilleton d'élection présidentielle, etc. Et en plus, avec les primaires, maintenant, vraiment, le président clé de voûte des institutions, comme disait le général de Gaulle, c'est vraiment devenu fondamental. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et pour répondre directement à votre question, c'est vrai que le système d'Ancien Régime place au centre de tout le roi. Mais justement, ce système, il est aboli en 1789 pour cette raison-là, à partir de 1789. Et faut se souvenir que, par exemple, les 3e et 4e républiques reposaient très explicitement sur une idéologie politique qui était le fait de récuser la personnalisation du pouvoir. Tant et si bien que le pouvoir appartenait à une assemblée. Vous vous rappelez des débats tout au long du XIXe siècle, dès le Directoire, sous le Second Empire, etc., en 1848. Enfin, c'est un débat récurrent tout au long du XIXe. Et lorsque la République l'emporte, à partir de 1870, l'idée, c'est vraiment qu'il ne faut pas que le pouvoir appartienne à une personne. Et cette hantise de la dictature, parce que c'est comme ça qu'on le perçoit à l'époque, ça va déboucher sur le régime d'assemblée, c'est-à-dire la loi est faite par l'assemblée élue, représentant de la nation, etc. Et si pouvoir singulier il doit y avoir, parce qu'il y aura quand même un chef d'État ou un chef de gouvernement, on va vraiment tout faire pour les neutraliser. Et le chef d'État idéal sous la Troisième République, c'est celui qui n'attire pas la couverture à lui. Exemple classique, Clémenceau, qui est un héros en 1918, il est battu à l'élection présidentielle de 1920, alors qu'il n'est pas au suffrage universel, mais il ne fera pas un bon président de la République, puisqu'il est populaire, puisqu'il est connu, parce qu'on connaît sa silhouette, parce qu'il est charismatique. On va donc chercher quelqu'un de pas du tout charismatique. Et on va être comme ça jusqu'en 1958. Et c'est le gaullisme bouleverse complètement cette économie symbolique de la politique pour en revenir à une forme ultra-personnalisée et ultra référé au charisme hein, du général de Gaulle. Et la télévision, évidemment, va accentuer ça. Mais ce que je veux dire, c'est que confier, ce que vous disiez tout à l'heure, confier le pouvoir à une personne et faire reposer toute la démocratie sur les attentes à l'égard d'une personne, même si ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire il y a la question de la représentation à l'international, hein, mais d'une façon générale, faire reposer un système tout entier sur une personne... enfin là on est au cœur du sujet, mais il me semble que c'est un pari quand même très risqué parce que c'est une machine à décevoir quand même. Et puis, est-ce que le gaullisme de 1958, comme vous disiez, ne répondait pas à des attentes historiques à ce moment, oui, à ce moment-là il était nécessaire de changer de constitution et qu'aujourd'hui peut-être qu'on serait arrivé à bout de souffle. Jonathan Houillot, vous pensez que ce régime doit continuer et qu'il y aurait des nouveaux arguments contemporains qui montreraient qu'il y a une nécessité d'avoir une personnalité politique forte, un président fort pour le coup? Moi je pense que c'est pas parce que la France a une ère de passage avec François Hollande qui effectivement manque de charisme et n'arrive pas à incarner la fonction présidentielle telle que De Gaulle a pu le faire. Je pense que c'est pas parce que pendant 5 ans malheureusement le président n'a pas été à la hauteur qu'on doit tout penser à reconstruire pour refonder une nouvelle république. Je pense juste que demain il nous faut un président qui soit à la hauteur et qui surtout promette et un projet et qui l'applique après. C'est comme ça qu'on donnera confiance en la république et en la 5e république. Mais c'est surtout faire les réformes pour lesquelles le président sera élu. C'est appliquer, ça qui... appliquer le programme. Et exactement. Alors Jim Delémont sur ce sujet de est-ce qu'elle est arrivée à bout de souffle? Est-ce qu'il a fallu toujours la critiquer? Est-ce qu'elle a toujours été mauvaise, cette constitution? Ou est-ce qu'elle a pu être utile à un moment? Est-ce qu'elle a toujours été mauvaise? Ça, peut-être pas forcément. Effectivement, elle a pu répondre à certaines questions après la Seconde Guerre mondiale, après l'époque de transition, à des attentes qui étaient prégnantes dans la société. Mais ce que disait Jonathan... que François Hollande n'est pas à la hauteur, enfin c'est pas question de François Hollande ou pas, même avant avec Nicolas Sarkozy, c'était déjà le président bling-bling avec tout ce qu'on connaît et une omniprésence médiatique assez insupportable. Et enfin, la question n'est pas là, n'est pas dans le rôle du personnage qui se glisse dans les habits du président. On peut faire tous les reproches à François Hollande qu'on veut, mais il a très habilement su se glisser dans les habits du monarque présidentiel et il le fait très bien savoir, hein. Inutile de reciter encore le triple 49-3 ou ce genre de choses. Donc après, je pense qu'effectivement, la 5e République est complètement à bout de souffle, qu'aujourd'hui, elle est complètement inadaptée aux attentes des citoyens et aux besoins de s'exprimer qu'il y a, l'expérience des Nuits debout, même si on peut bien faire des critiques sur la façon dont ça s'est terminé ou quoi que ce soit, reflète cette envie des citoyens qui doivent prendre la parole, qui ont envie de prendre la parole, que d'être écoutés, de pouvoir participer au débat politique, au débat public et aux affaires de la cité, tout simplement. Et alors comment vous la mesurez, cette envie des citoyens de changer, puisqu'on voit que même si, en effet, il y a des critiques, les participations présidentielles restent des participations assez élevées, même si on peut toujours contester le fait que c'est des taux qui sont trop bas, c'est pas légitime, voilà. Mais les gens continuent à venir participer, à aller voter pour un président. Est-ce que s'ils étaient vraiment opposés, ils arrêteraient pas d'aller voter? Ben, je pense pas. Moi, je suis opposé à cette 5e République et pourtant, je continue à voter parce que, justement, on pense que... Enfin, c'est pas par une révolution, en prenant les armes, en descendant dans la rue, que pour l'instant... on peut faire changer les choses, mais par le jeu démocratique, une révolution par les urnes, c'est-à-dire en votant, en s'exprimant. Et c'est là tout l'enjeu de la campagne de la France insoumise avec le porte-parole qui est Jean-Luc Mélenchon, de parvenir à ce changement constitutionnel, à faire une assemblée constituante, à redéfinir les règles du jeu politique et institutionnel. Très bien. Alors, en parlant tout à l'heure, comme vous disiez, Jonathan Houillot, de candidat qui devra appliquer ces mesures, encore faut-il qu'il y en ait des mesures. Et Emmanuel Macron, qui n'est pas déclaré candidat, qui fait un peu attendre sa candidature, actuellement n'a pas encore proposé de programme. Et c'est un petit peu là-dessus que tu vas nous parler, Colin, si je ne me trompe. Plus ou moins. Alors, la personne qui va m'intéresser aujourd'hui, ce n'est pas directement Emmanuel Macron, c'est plutôt sa femme, en fait. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron ces derniers temps. Hein. Emmanuel Macron pêche des anguilles, Emmanuel Macron passe ses vacances au Puy du Fou avec Philippe de Villiers, Emmanuel Macron t'explique comment te payer un costard, Emmanuel Macron est très beau avec sa barbe de 3 jours, Emmanuel Macron démissionne et embarque dans son pédalo. Et c'est sur un autre épisode de ce feuilleton que je veux revenir ce matin. Le 14 avril dernier, Brigitte Trogneux, donc l'épouse d'Emmanuel Macron, donne une interview interview au magazine Paris Match, où elle présente l'ex-ministre de l'économie sous un jour nouveau, leur rencontre alors qu'elle était sa professeure à Amiens, etc. Alors, accusé d'être à l'origine d'un coup de communication absolument foireux, Macron va rétropédaler en expliquant que sa femme a fait une erreur. « Mon épouse, elle ne connaît pas le système médiatique. Elle le regrette d'ailleurs profondément. C'est une bêtise qu'on a faite ensemble. » Interrogée notamment par l'émission « C'est à vous », Brigitte Rogneux s'excusera elle-même de cette erreur. « J'ai cru bien faire, j'ai eu tort », conclut-elle. Fin de l'histoire. Et alors, Colin, se cache selon toi, dans toute cette mise en scène, un procédé particulièrement sexiste? Absolument, Tanguy. Derrière cette image transparaît une autre image, celle du monde, d'un monde politique particulièrement phallocratique. D'abord, Brigitte Trogneux est systématiquement ramenée à son rôle de femme d'Emmanuel Macron. On l'appelle donc indifféremment Brigitte Trogneux ou Brigitte Macron, ou alors on oublie son nom. Femme actuelle va nous dire « Emmanuel Macron vous présente sa femme, Brigitte », un peu comme s'il nous présentait sa fille. Au-delà de ce détail, elle n'échappe pas aux nombreux clichés de la femme dévouée à son mari. Nature, sans faux semblant, selon un article de l'Express, qui n'est pas loin de la présenter comme une simplette. Je cite « Pour elle, les lignes de fracture sont simples. Il y a ceux qui apprécient son mari et ceux qui lui sont hostiles. Bibi aime ceux qui aiment Manu et elle déteste les autres. » D'ailleurs, Bibi a cette qualité de se tenir très loin du monde politique et elle a accepté de quitter ses activités professionnelles pour consacrer tout son temps à son mari. Alors, le plan com est plus qu'évident puisque cette une de Paris Match dont, à laquelle je fais référence surgit seulement quelques jours après le lancement du mouvement En Marche. Le problème, c'est que la première victime de ce plan com qui tourne au fiasco, c'est Brigitte Trogneux. Une nouvelle occasion de la faire passer pour une idiote. Après Brigitte la manichéenne qui divise les gens en deux catégories, ceux qui aiment Manu, ceux qui n'aiment pas Manu, voici Brigitte l'ingénue qui ne comprend rien à la mécanique médiatique. Comme si la très discrète Brigitte Trogneux avait décidé toute seule, et sans en parler à Manu, de répondre à Paris Match. Elle, la femme de celui qui était alors ministre de l'économie et qui était, on peut le supposer, entourée par une vaste équipe de communication. Emmanuel Macron va conclure cet incident en affirmant que ce n'était pas une stratégie de communication et que c'était sans doute une maladresse et que l'erreur ne serait pas reproduite. Pourtant, deux mois plus tard, le cours est de retour en couverture de Paris Match pendant leurs vacances à Biarritz, dans une mise en scène où rien n'est laissé au hasard. Oui, absolument, Tanguy, c'est bien du nudiste dont je parle. Et on sait que Macron est un pro en la matière, pas de nudisme, mais d'orchestration médiatique, depuis l'orchestration minutieuse de sa démission. Donc, qu'on ne nous fasse plus croire que c'était juste une bêtise. Et ce coup de communication serait symptomatique d'une pipolisation de la politique. Alors, on savait que les magazines People s'étaient mis à la politique en traitant nos élus comme des vedettes de télévision. Closer nous révèle la liaison de François Hollande et de Julie Caillet et out Florent Philippot. Plus récemment, Closer est allé plus loin en consacrant deux pages chaque semaine à la politique visant à présenter nos hommes et femmes politiques sous un jour plus léger. Mais la véritable nouveauté, c'est que la politique, c'est elle aussi mise aux People. Alors, comment ? D'abord en allant à la rencontre de ces magazines. Closer a réussi à décrocher de longues interviews de Jean-Luc Mélenchon, de Nathalie Kosciusko-Morizet, de Jean-Vincent Placé. Toutes les couleurs politiques se croisent dans les pages de Closer, nouveau moyen de s'adresser directement à son électorat. Ensuite, et là c'est déjà beaucoup moins nouveau, les politiques se mettent aux People en se mettant dans la peau, tout simplement, d'une star, traquée par les paparazzi. Macron l'a reconnu, il savait que des photographes se trouvaient à proximité lors de sa promenade sur la plage de Biarritz. Et les photos semblent volées, mais l'homme n'a finalement rien laissé au hasard. De plus, cette une macronesque en évoque une autre, parue exactement un an avant et dévoilant les vacances en amoureux de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni en Corse. Coïncidence ironique pour Macron qui fustige l'épuisement de notre système politique et dit n'être le candidat que d'un programme, toujours porté disparu à l'heure actuelle, d'une vision, d'un changement, pour le paraphraser, mais qui use finalement de vieilles ficelles pour se mettre en avant et servir sa campagne. Alors la question que je voudrais vous poser à ce sujet, finalement, c'est en quoi ce rapport très ambigu entre les médias et les politiques va permettre de servir ou de ne pas servir l'exercice de la démocratie et du débat d'idées. Qui voudrait répondre ? Christian Lebas, par exemple. C'est compliqué, la pipolisation politique, parce qu'il y a deux lectures. Il y en a une en termes d'effondrement des grands référentiels républicains, etc., dévoiement. Enfin, bon, effectivement, voir les politiques dans Closer, etc., ça peut apparaître comme du dévoiement de ce que devrait être la politique. Et puis, en même temps, il y a un autre point de vue qui est pas forcément le mien, mais qui est plus optimiste, qui consiste à dire que c'est aussi, qu'on le veuille ou non, une modalité visant à intéressés à la politique, des gens qui ne vont pas lire des livres de sciences politiques, qui ne vont pas écouter les émissions politiques, etc. Donc, il y a de l'ambivalence dans cette affaire-là. Et puis, on peut aussi plaider qu'il y a toujours eu, sous d'autres noms, de la pipolisation politique, au sens où Marie-Antoinette, c'était d'une certaine façon une star de la vie politique. Donc, bon, on peut un peu jouer là-dessus, mais le problème, c'est qu'on est très vite sur des jugements de valeur. Bon, ça fait partie du débat démocratique. Quand les politiques vont trop loin sur ce terrain-là, fort heureusement, il y a quand même un certain nombre de gens pour se moquer d'eux et pour les rappeler à la réalité, qui est celle des institutions, hein, de la vie institutionnelle. Voilà. Le problème, c'est qu'on aime tous aussi le feuilleton politique, c'est ça. On est tous, y compris ceux dont c'est le métier d'observer sérieusement la vie politique la plus sérieuse, on adore le feuilleton politique avec ses anecdotes croquignolesques. Donc on a tous un rapport très ambivalent à la politique en réalité, y compris ceux qui affectent d'être très sérieux. Je voudrais juste du coup poser la même question, que vous remontissiez là-dessus, parce qu'on a vu très récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, la bande-annonce qui a fait un peu parler d'elle de la nouvelle émission justement de M6, Une ambition intime, où participent Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, il me semble aussi. Je suis pas sûr, Bruno Le Maire, je crois. Bruno Le Maire, Jean-François Copé au moins aussi. Mais c'est toujours dans le même sujet. Pourquoi est-ce qu'ils. Quel est leur intérêt à aller parler dans ces émissions Jonathan, oui. Comme disait M. Barre, c'est de toucher un plus grand public, puisque pour toucher l'ensemble des Français, il faut être sur l'ensemble des émissions qu'ils regardent. Après, ça, c'est un choix des politiques d'aller sur toutes les émissions. Je sais que, par exemple, François Fillon refuse d'aller dans l'émission On n'est pas couché, parce qu'il trouve que ça rabaisse la politique, et il n'a pas forcément tort là-dessus. Quand on veut ensuite être président de la République française, il faut pouvoir garder un certain statut, et ne pas, après, trop rentrer dans la pupolisation qui pourrait entraver la fonction présidentielle, et après revenir comme un boomerang, une fois président... vous étiez avec votre femme, vous avez fait du people, comme François Hollande sur le scooter, enfin, ça décrédibilise la fonction présidentielle, et c'est tout ce qu'on veut éviter, puisqu'il y a aussi l'image que le président renvoie à l'international, et qui peut être nuisible aussi à la France, à la nation qu'elle est, parce que le président incarne le pays, c'est la 5e République, et donc cette populisation peut l'unir. Pour vous, on doit dévoiler la vie privée que si ça peut avoir un impact quand même sur la fonction présidentielle, parce que ça peut Faut dire aux Français ce qu'ils veulent entendre, parce que c'est normal qu'ils sachent un minimum sur les présidents, leur famille, quels sont leurs enfants, etc. Parce que ça peut jouer sur la façon, sur les idées qu'ils ont, sur la façon dont ils voient le pays, dont ils voient son avenir. Mais en revanche, il ne faut pas non plus trop rentrer dans l'intime. Il faut garder un minimum. Faut pas rentrer trop dans l'intime des politiques, je pense. Sinon, ça peut nuire aux fonctions qu'ils occupent par la suite. Okay. Et Jim Delémont sur ce sujet, parce que Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, voilà, entre Gala, oui. Où il a présenté le quinoa, et donc l'émission Une ambition intime, où il a fait les deux. Pourquoi Il a aussi fait l'émission de Fogiel, Le Divan. Enfin, oui. Mélenchon s'en cache pas, effectivement, il joue avec les règles du jeu médiatique et souhaite aller effectivement dans toutes les revues, dans tous les supports médiatiques qui permettent de parler aux gens. Et après, c'est pas parce que c'est une revue People ou quoi que ce soit que les gens sont plus abrutis que les autres et qu'ils vont pas forcément comprendre. Et par exemple, pour revenir sur l'épisode du quinoa, effectivement, on retient de prime abord, ah oui, Mélenchon fait des salades de quinoa. Et derrière, il y a aussi toute une logique qu'il a déroulée dans l'interview, comme quoi c'est aussi la question des protéines carnées, du rapport à la nourriture, à l'agriculture. Vous parliez en introduction que les candidats et des politiques étaient venus au Space Arena sur l'agriculture. Mélenchon, lui, il ne participe pas à ce genre de choses, mais il va plutôt d'aller dans des petites fermes biologiques avec des producteurs locaux pour montrer qu'une autre agriculture paysanne est possible sans forcément être obnubilé par la FNSEA ou ce genre de choses de productivistes. Donc effectivement, Mélenchon participe à toutes ces émissions qui parlent à toutes les strates de la société. Et c'est bien, ça permet justement de répandre des idées, de politiser aussi, pourquoi pas, de conscientiser. Et Jonathan disait tout à l'heure qu'il fallait dire aux Français ce qu'ils veulent entendre. Moi, je trouve que c'est une vision un peu hypocrite de la politique, quoi. Dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mais non, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. On est là pour exposer des idées qu'ils ne veulent pas forcément entendre, essayer de faire amorcer une réflexion et pas simplement essayer de donner à manger du grain comme ça pour récupérer des voix ou quoi que ce soit. Enfin, on n'est pas là pour caresser dans le sens du poil ou quoi que ce soit. Évidemment, on est là pour essayer de récolter des voix, mais pas forcément non plus pour dire tout et n'importe quoi afin de récolter quelques pourcents. Jonathan Ouillot. Ce que les gens veulent entendre. Mais j'estime juste que pour pour les électeurs, c'est logique qu'ils sachent, qu'ils puissent savoir un minimum de l'intime et de la vie privée que les personnes ont, puisque ça peut influencer les décisions qu'ils vont prendre. Par exemple, si un président est père de famille, il a des enfants, donc il les a élevés, et ça peut par la suite influencer la politique qu'il va mener. Enfin, il sera peut-être amené à prendre des décisions en fonction du passif qu'il a eu. C'est juste ça. Après, c'est pas forcément ce que les gens veulent entendre. Mais c'est juste que c'est logique qu'en tant qu'électeur, ils puissent avoir un minimum d'informations sur les personnes qu'ils vont élire. Oui, mais entre un minimum d'informations et une pipolisation à outrance où on s'expose à sa vie privée sur des plages, ce genre de choses... Ah bah j'ai dit que j'étais contre la pipolisation à l'extrême. Voilà. Christian Lombard, vous voulez réagir sur le sujet? Oui, le problème de la pipolisation, c'est que c'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire les politiques, effectivement, sont absolument convaincus, à tort ou à raison, on n'en sait rien, mais en tout cas, ils sont convaincus que pour gagner des voix, il faut aller là où sont les milieux populaires, là où sont les gens qui ne s'intéressent pas à la politique, etc. Et souvent, à reculons, ils y vont, ils finissent par y aller avec plus ou moins de succès. Bon, ben, ça, c'est un premier mouvement, mais il y a aussi le mouvement dans l'autre sens, c'est-à-dire que la presse people va vers les politiques et leur arrache des photos, etc. Donc, avec à cet argument terrible, enfin très ambivalent, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de discontinuité entre la facette publique et la facette privée. C'est-à-dire le fameux argument Mitterrand ment sur sa vie privée, Mitterrand ment sur sa santé, donc il n'y a pas de raison que Mitterrand ne mente pas sur l'économie. Rétrospectivement, c'est vrai que l'argument avait quelques fondements. Cet argument, il est court et en même temps, il est un peu imparable. Mais le problème, c'est qu'avec un tel argument, ben on finit par se poster en bas de l'immeuble ou au coin de l'Elysée pour surveiller le scooter, quoi. C'est ça. Alors, Colin, tu avais peut-être une autre question à poser. Sur ce que j'ai dit tout à l'heure, là, je voulais savoir aussi ce que vous pensiez, vous, de la figure d'Emmanuel Macron, justement. Parce que donc là, on est en train de parler finalement de quelqu'un qui n'a pas encore... de présenter le programme dans les médias. À chaque fois qu'on entend parler de lui et de ses sympathisants, c'est juste pour dire qu'il est en train de faire le diagnostic de l'état de la France. Et finalement, on constate qu'il est relativement apprécié par une partie de la droite comme par une partie de la gauche, qu'il a qu'il bénéficie d'une assez grande popularité. Est-ce que ça voudrait dire qu'Emmanuel Macron, l'homme pour l'instant sans programme, sans même avoir officialisé sa candidature, pourrait faire office d'homme politique providentiel? Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, c'est surtout beaucoup de vent. Jonathan Rouillot, c'est surtout beaucoup de vent, puisqu'on ne sait pas ce qu'il veut, comme vous le disiez. On ne sait pas son programme, et donc c'est difficile de le juger. C'est peut-être aussi pour ça que, pour le moment, il n'a pas beaucoup de Français qui sont contre lui, puisqu'on ne sait pas ce qu'il propose. Donc, à partir de ce moment-là, c'est difficile d'avoir des personnes qui vont complètement adhérer ou complètement le rejeter. Donc, je pense que c'est surtout ça, aujourd'hui, qui fait qu'il est populaire, puisqu'on ne sait pas ce qu'il veut. Jim, peut-être un avis sur Emmanuel Macron est populaire, peut-être, mais pas tant que ça. Enfin, en tout cas, avec son mouvement En Marche, on sait où il va aller. C'est En Marche, droit dans le mur, quoi. C'est la même logique depuis des années de l'orthodoxie sociale libérale qui n'a rien changé dans les autres pays en Europe et qui ne changera rien en France. Et voilà, il a habilement su, avec sa tête de gendre idéal, de manier et d'utiliser les communications politiques. Mais bon, cela dit, Emmanuel Macron a quand même participé à un gouvernement qui a quand même pas mal de choses à se reprocher. Est-ce qu'il arrivera à le faire oublier? Rien n'est moins sûr. Faut pas prendre les gens pour des imbéciles non plus. Et puis, de toute façon, il a aussi un passif en tant que banquier dans banque d'affaires ou ce genre de choses. On sait parfaitement ses attentions, on sait parfaitement de quel côté il se bat, quels intérêts il défend. Et voilà, il n'y a pas besoin d'être... très malin pour s'en rendre compte. Christian Lebar. Oui, dans le même sens, je pense que Macron, c'est d'abord un symptôme. C'est le symptôme de la crise des institutions. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui existe en apesanteur institutionnelle complète. Il a été ministre, étant ministre, il n'a cessé de jouer contre l'institution à laquelle il appartenait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a appris très tôt à exister par la petite phrase et par la petite phrase qui dissonnait. On se souvient de la fameuse formule de Jean-Pierre Chevènement, un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. Lui n'a pas arrêté de l'ouvrir pour prendre ses distances et pour faire entendre une petite musique singulière. Donc, complètement à rebours de la logique de solidarité gouvernementale et de discipline gouvernementale habituelle. Alors, il a poursuivi cela dans une logique qui est en fait une logique présidentielle. sans parti politique, avec un fan club, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose qu'un parti politique, parce qu'En Marche, ça n'est rien d'autre qu'un fan club pour l'instant. Il réussit à attirer l'attention des médias. Alors, il faudrait se poser la question, pourquoi cette fascination des médias, quant à la popularité d'Emmanuel Macron, elle est mesurée par des sondages extrêmement fragiles. Il a quand même une base de soutien qui est assez... qui n'est pas négligeable, avec les jeunes avec Macron qui sont assez nombreux, assez répartis dans le pays et qui font des campagnes. Après, c'est lui qui le dit, il faut tenir raciste. Oui, il y a incontestablement quelque chose, il y a quelque chose qui est de l'ordre du frémissement dans l'opinion publique, mais de là à s'inscrire dans une compétition politique, c'est quand même bien autre chose. Je demande à voir. On se souvient de Dominique de Villepin, qui avait aussi une bonne... Enfin, il y en a eu d'autres avant lui, hein. Très bien. Vous êtes donc toujours sur Radio Laser. Jusqu'à 11h30, on parle de personnalisation politique et c'est justement le moment de retrouver Clément. Clément qui est donc à réaliser un reportage avec Les Républicains. Dis-nous en plus. Je suis allé le 19 septembre dernier au QG des Républicains 35, donc qui se situe à Rennes et où se déroule une réunion des jeunes républicains. Afin d'interroger quelques militants dont vous allez entendre maintenant la voix et les prénoms. Alors moi c'est Nolwenn Amon-Berthélémy, j'ai 22 ans et je suis étudiante en droit public à la faculté de Rennes. Moi je m'appelle Pierre Lurton, 22 ans aussi, il faut dire qu'on est né le même jour. Et je suis en fin d'études en Master 2 d'analyse financière à l'Institut de gestion de Rennes. Je m'appelle Samuel, je suis étudiant, j'ai 21 ans, je suis étudiant en économie et gestion. Et je suis militant Les Républicains depuis un an tout juste. Bonjour, je suis Guillaume, j'ai 25 ans et je suis chargé d'affaires dans une société qui commercialise des emballages techniques pour l'armement. Présentations sont faites, nous pouvons d'ores et déjà passer aux questions-réponses. Alors j'ai posé deux questions au cours de cette petite interview. Et la première était, selon vous, assiste-t-on durant cette primaire plutôt à un combat d'idées ou plutôt à un combat de personnalité ? Alors pour moi, au premier plan, j'abordais ça vraiment avec un combat d'idées. Chaque personnalité allait présenter un programme et chaque militant allait voter pour un programme. Sauf que je me rends compte que la chose n'a pas pris du tout cette direction, dans la mesure où on regarde beaucoup de personnalités qui ont créé des programmes très tôt et qui pourtant... n'arrive pas vraiment à monter dans les sondages, notamment mon candidat François Fillon. On lui reproche souvent, au niveau de sa personnalité, qu'il soit quelqu'un de sombre, non avenant, alors que beaucoup sont d'accord de dire qu'il avait le programme le plus profond. Donc, dans cette mesure, je ne pense pas qu'aujourd'hui, la primaire, ce soit juste des programmes, un enjeu d'idées. C'est aussi une personnalité. Moi, personnellement, je pense que, effectivement, au départ, on avait un besoin logique d'un vrai débat de fond, d'un vrai débat d'idées. Aujourd'hui, peut-être médiatiquement, il y a un duel établi par les médias qui voudraient jouer le match avant même d'avoir fait l'élection. Mais voilà, la vérité des sondages et la vérité du terrain, c'est pas forcément les mêmes. En 95, quelques mois avant l'élection, Jacques Chirac était à 15% dans les sondages. On sait ce qu'il en est aujourd'hui et l'avenir nous dira ce qui va se passer réellement au mois de novembre. Non, chaque candidat a un projet, donc en fin de compte, je pense que c'est surtout un débat d'idées. Après, les gens ont tendance à le remplacer par un débat de personnalité, puisqu'en fin de compte, ce sont des personnalités fortes qui ont un projet fort. Mais voilà, il ne faut pas oublier que c'est plutôt d'abord le projet et après le candidat. Un peu des deux, c'est sûr. On vient pour se présenter avec un projet qu'on défend. C'est sûr qu'après, pour la population, pour les médias, c'est plus intéressant de présenter une personne. C'est plus vendeur, on va dire, qu'un projet qui peut être parfois plus ou moins compliqué. Donc c'est sûr qu'on aime mieux présenter ça comme un combat de personne. Après, c'est sûr, chaque candidat a un programme précis. C'est ça qui est aussi intéressant. La deuxième question que j'ai posée à ces différentes personnes est la primaire est un outil démocratique. Et je leur ai demandé également s'ils allaient voter pour la primaire. Oui, je compte aller voter. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je considérais que ce n'était pas un outil démocratique, je pense que je n'irais pas là-bas. Donc on sait que les partis politiques aujourd'hui font souvent monter une personnalité, donc des présidents de parti qui vont ensuite se présenter aux élections présidentielles. Là, en l'occurrence, je trouve que c'est une remise à plat de notre famille politique, c'est-à-dire que chaque personnalité, en respectant bien sûr les règles données ont pu donc voilà créer un programme, soutenir, enfin créer une équipe et aller droite à les primaires pour la présidentielle. Donc je pense que c'est une ouverture au sein de notre famille et qui a vraiment redonné voix aux militants. Oui, si je suis là, c'est que je vais aller voter. Si je me suis engagé, c'est évident que je vais aller voter à la primaire. Ça permet à des gens qui sont par volonté pas forcément encartés, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps, etc., mais qui se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre, de pouvoir influer sur le choix de leur candidat à la présidentielle de l'année prochaine. Donc oui, c'est un outil démocratique. Si je peux prendre le cas du parti, c'est vrai que c'est quelque chose de plutôt démocratique pour eux, parti, plutôt que de faire élire un candidat par un bureau politique ou par un nombre très restreint de personnes, ou même que par des adhérents, c'est toujours mieux au niveau démocratique d'avoir plus de monde à venir voter. Après, ça peut aussi contribuer à avoir toujours les mêmes partis à se représenter, mais ça a ses avantages, ses inconvénients, c'est comme tout. Alors après avoir entendu ces réponses, j'ai envie de poser les deux mêmes questions aux différents invités. Que répondez-vous à ces deux questions ? Tu peux les rappeler peut-être les questions. Oui. Alors la première question était... est-ce qu'on assiste durant cette primaire de la droite et du centre plutôt à un combat d'idées ou plutôt un combat de personnalité? Et la deuxième question était, la primaire est-elle un outil démocratique? Et allez-vous voter à la primaire? Est-ce que vous allez voter à la primaire? Jonathan Oyo, qui vous êtes donc, je rappelle, membre des Jeunes Républicains 35. Exactement. Je pense qu'il y a un combat d'idées, ça c'est important d'ailleurs, c'est aussi l'intérêt de la primaire, c'est de faire que de nouvelles idées puissent sortir et qu'on puisse, outre la personnalité, voir des projets se dessiner. Il y a de vraies idées, sauf que les idées ne sont pas si différentes que ça, et c'est aussi pour ça qu'on appartient à la même famille politique. Heureusement qu'on n'a pas des projets complètement opposés, sinon on ne pourrait pas construire ensemble. Donc il y a certes des idées qui divergent, mais dans l'ensemble, on se retrouve quand même sur les idées principales. Après, le combat des personnes, c'est aussi important, puisque c'est une personne à qui on va confier pendant 5 ans la destinée du pays. Donc en effet, il faut que ceux qui vont voter puissent se retrouver dans cette personne. Et par contre, je pense que les médias aiment faire de la petite phrase. Aiment plutôt que d'aller dans les idées, dans le fond, faire de la petite phrase. Par exemple, j'étais allé à Sablé-sur-Sarthe pour soutenir François Fillon. Il nous a fait un discours magnifique, enfin, selon moi, pendant 1h30. Et le lendemain, enfin, ou même le soir même, dans les médias, la seule phrase qui a été retenue, c'est la phrase qui, selon les médias, qui visait Nicolas Sarkozy. Alors que son discours d'une heure et demie a complètement été balayé en brèche, au final rien n'en est ressorti par les médias, alors que ce discours était vraiment exceptionnel. Donc je trouve ça vraiment dommage, et je trouve que les médias vont pas assez dans les projets et préfèrent vraiment les petites phrases, tout ce qui va faire qu'il y a un petit combat, tout ce qui va selon eux vendre, plutôt que d'aller dans le fond. Et ça c'est vraiment dommageable. Christian Lebarbe peut-être ? Oui, sur les programmes, un point d'histoire, excusez-moi, mais je suis le plus vieux ici, alors je me permets de mettre peut-être les choses un peu en perspective. Quand Mitterrand est élu en 81, il y a les 110 propositions du candidat Mitterrand, et en amont des 110 propositions, il y a le programme commun de la gauche. Donc on a deux institutions, trois institutions même, incroyablement importantes à l'époque, qui négocient pendant des mois sur ce que sera un programme. Voilà. Et après, le candidat, il l'incarne, il décline et, disons, il accommode un petit peu ce programme pour en faire des propositions. Mais le candidat est quand même tenu par quelque chose qui est ce qu'on appelle un travail idéologique de plusieurs années. Il est évident aujourd'hui qu'on n'en est plus du tout là. Nos candidats font des efforts en publiant des livres pour mettre en avant des propositions, etc. Mais on sait très bien, depuis Chirac, que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et il y a quand même aujourd'hui le déclin des institutions. Il se marque d'abord là, c'est-à-dire dans le déclin de la capacité programmatique des collectifs. Aujourd'hui, on n'a plus affaire qu'à des programmes qui sont pensés par des individus plus ou moins bien entourés, mais qui au fond, le programme doit avoir un style. Mais enfin, pour prendre l'exemple de Nicolas Sarkozy, ça ne fâchera personne autour de la table. Et puis, c'est quand même pas le moins bon exemple de ce point de vue-là. Voilà, le programme, il se décline en fonction du fait divers de la veille, en fonction de l'humeur du jour et en fonction du segment d'opinion publique qu'il a face à lui. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de ligne. Il y a une humeur, il y a un style. mais ça ne fait pas un programme. Est-ce qu'il y avait un programme chez François Hollande ? Il y a des gens qui ont cru entendre des choses, mais enfin, bon. Donc, voilà, il me semble que la notion de programme aujourd'hui est vraiment, vraiment dépassée, quoi, hélas. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jim Delemont ? Vous êtes donc, je le rappelle aussi, responsable de Sciences Po Rennes Insoumise qui soutient la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous êtes d'accord que le programme que soutiendrait Jean-Luc Mélenchon serait un pas du vent, mais reposerait sur pas grand-chose. Juste pour préciser, je ne suis pas le responsable, mais le co-responsable. Pardon, désolé. Parce que on a la parité homme-femme. Okay. Du coup, nous sommes deux, donc voilà. Co-responsable. Voilà. Mais effectivement, juste pour revenir sur la question des primaires, les primaires, c'est quand même quelque chose d'assez systémique du système politique aujourd'hui. Et c'est pour ça, notamment, que Jean-Luc Mélenchon a refusé de se prêter à ce jeu qui est biaisé d'avance, où on n'a pas parlé du rôle de l'argent, mais c'est quand même aussi au candidat qui aura le plus gros budget et les plus gros financements par derrière, qu'il soit plus, surtout privé, qui influencera l'issue du scrutin. Donc bon, déjà ça, éthiquement, est-ce qu'on souhaite s'y prêter ou pas, c'est une question qui se pose. Et c'est un véritable piège finalement, parce que voilà, on est obligé de se retrouver à s'entretuer pour des idées ou quoi que ce soit, pour des guerres d'ego au sein d'une primaire, que ce soit à gauche, la primaire de la gauche, la primaire de la droite, ou même la primaire des écologistes. C'est tout à fait ça. Et après, enfin voilà, c'est l'aveu, c'est un aveu de faiblesse drastique sur une incapacité finalement à se mettre d'accord et à faire émerger quelqu'un qui pourrait rassembler des idées ou être une sorte de leader. Donc pour ce qui concerne la France insoumise, donc le programme se base sur celui qui a été la base commune du Front de Gauche en 2012 avec l'humain d'abord, qui a été fort de 4 millions de voix, donc qui a été réactualisé. Et avec la France insoumise, du coup, il y a une convention qui va bientôt se tenir à Lille où un programme a été présenté avec le départ du mouvement en mars dernier, et il y a eu plus de 3000 contributions citoyennes sur le site internet de la France insoumise, jlm2017.fr. Et donc du coup, les gens ont pu donner leurs avis, présenter aussi les idées qu'ils auraient souhaité ajouter à ce programme. Et donc du coup, la convention qui va se faire à Lille, c'est pas une convention technocratique ou bureaucratique. Il y a la moitié de l'assistance qui est tirée au sort parmi les 130 000 personnes qui ont soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon et qui ont signé sur le site. Et l'autre moitié, ce sont des responsables locaux, syndicaux, des militants qui ont été choisis pour porter ces idées et pour parvenir à avoir une synthèse épaisse, viable et qui pourra servir donc de programme qui s'appelle l'avenir en commun. Donc effectivement, je pense que dans cette démarche-là, on est dans une démarche véritablement horizontale et plus du tout verticale, où il y a une personne qui dicte des grands axes, un bureau qui valide, et puis on se met d'accord sur des coins de table entre le nombre de places ou le nombre de je sais pas quoi. Non, là, c'est vraiment les gens qui participent au programme, qui le formalisent, qui l'écrivent, qui le pensent. Donc effectivement, un programme comme ça, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus solide que ce qu'on a pu voir par le passé. Alors juste sur la question des financements pendant les primaires, il y a quand même des règles qui doivent être respectées. Il y a des seuils à ne pas dépasser, il y a des vérifications qui sont faites après. On ne peut pas dire qu'ils peuvent se financer non plus comme ils veulent. On pourra demander l'avis à Big Malion, il saura nous donner sa réponse. C'est ça. Christian Lebard, vous aviez une réaction sur le sujet ? Oui, c'est quand même curieux. Quand on prend les deux bouts, le début à la fin de l'émission, on est quand même sur un terrible paradoxe. Tout le monde dit l'élection présidentielle, c'est quand même nécessaire parce qu'il faut que l'État s'incarne, il faut que les gens puissent se projeter sur une personnalité, y compris ceux qui ne sont pas spécialistes. Il faut qu'au moins ils soient capables de faire la différence entre un tel et une telle, etc. Bon, le système de la 5e présidentielle, de la 5e République est peut-être pas si mauvais, etc. etc. Et puis d'un autre côté, on dit que ces personnalités politiques, au moment d'affronter le suffrage universel et de formuler une offre politique, un programme, ben finalement, elles sont incroyablement démunies parce qu'il n'y a plus les partis politiques derrière pour faire les programmes. Et donc, du coup, elles n'ont pas d'autre solution que d'en appeler, ce que fait Mélenchon, effectivement, ce que fait Macron, ce qu'a pas fait Juppé, ce qu'a pas fait Fillon. Enfin, il y a quand même des différences là. Bon, pour les autres, on en appelle à faire remonter les demandes de la base. Alors, est-ce que on fait un programme en agglomérant des demandes? Je suis pas sûr. Et en tout cas, il y a évidemment une contradiction entre la confiance absolue qu'on va faire à une personne via l'élection présidentielle et le fait que cette personne n'est pas en situation de dire voilà ce que je propose. Alors, est-ce que vous pensez que cette personne serait, que vous soutenez François Fillon, pour le coup, Jonathan Houillot, serait capable de faire ça, ce qui est critiqué par Christian Lebart, ou est-ce qu'il serait capable, ou alors ce que disait Jonathan Hyot, de défendre un programme qui serait fixe, stable? Excuse-moi. C'est moi, Jonathan Hyot. Oui, c'est à toi que je vous parlais, pardon. Moi, je pense que la 5e République, telle qu'elle a été créée, c'est la rencontre entre un homme et les Français. Donc, comme monsieur disait, c'est normal que ce soit lui qui soit à l'origine de son programme pour ensuite le présenter aux Français et leur demander leur confiance. Après, tu parlais des 3000 personnes qui ont contribué à faire le programme de Jean-Luc Mélenchon. Sauf que nous, chez les Républicains, déjà, nous sommes 250 000 militants. Nous avons eu la convention des Républicains il y a environ un an, lorsque Sarkozy a pris la tête du parti, qui a été votée par l'ensemble des militants. Ils l'ont approuvé. Donc déjà, ça donne une valeur. Il y a quand même 250 000 personnes chez les Républicains qui l'ont soutenu. Et après, l'intérêt des primaires ouvertes, c'est de ne pas être soutenu par une toute petite partie des militants, mais c'est d'avoir 3, voire 4, voire 5 millions de Français qui vont apporter leur soutien à un candidat et qui vont le soutenir à l'élection. Donc ça lui apporte quand même ça lui apporte un crédit quand même. Non, Christian Lebart. Il y a un problème dans ce que vous dites. Il n'y a pas la convention, les Républicains qui propose un socle. La gauche a dit pareil la dernière fois. Qui propose un socle et qui ensuite, dans un deuxième temps, va devoir choisir entre des candidats qui incarneraient ce socle, mais qui le déclineraient de façon un petit peu différente, avec des nuances. On suit tous la passionnante primaire à droite en ce moment. Non, c'est pas ça. Je veux dire, il y a vraiment un gouffre qui sépare Alain Juppé de Nicolas Sarkozy. C'est pas des façons différentes de s'approprier un même programme. C'est des projets de société complètement différents. Et on pourrait dire la même chose à gauche, bien sûr. Mais il me semble que... voilà. Peut-être au niveau des questions migratoires, de sécurité, effectivement, entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, en tout cas, les discours ne sont pas du tout les mêmes. Mais en revanche, sur les questions économiques, là, ils se retrouvent. Et aujourd'hui, on sait ô combien l'économie est importante pour redresser un pays, redonner confiance aux Français. Moi, je pense qu'avant d'arriver sur des questions sécuritaires, migratoires, etc., ce qu'il faut avant tout, c'est redresser la France économiquement, réduire le chômage. Et avec ça, les Français retrouveront la confiance, et on pourra avancer ensemble. Alors moi, je voudrais juste poser une dernière question sur les primaires. Après, on pourrait peut-être changer, mais soulever une ambiguïté qu'on voit, c'est quand même il y a à la fois, on peut en voir un concours un peu d'égo quand même, avec des gens qui vont se faire du coup élire. Enfin, celui qui remportera la primaire va se faire élire à la primaire, puis peut-être au présidentiel. Et en même temps, on a aussi le choix de certains candidats de ne pas passer par des primaires. Et là, on peut voir encore comme c'était un égo, puisque du coup, il veut pas se confronter à d'autres, il veut se lancer tout seul. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette ambiguïté? Est-ce qu'il y a un moyen qui serait plus démocratique que l'autre entre se lancer dans des primaires et se lancer tout seul? Jim Delmons. Justement, donc c'est dans cette démarche-là que s'inscrit celle de Jean-Luc Mélenchon, en ayant présenté sa candidature, en ayant attendu que au moins 100 000 citoyens la valident. Il n'y a pas 3 000 personnes qui ont constitué le programme, c'est des 3 000 contributions, des contributions qui peuvent être collectives. Et donc, effectivement, dans cette logique-là, on essaie de retrouver une légitimité que la 5e République ne permet pas, car un candidat pour se présenter doit avoir 500 parrainages. Ces parrainages d'élus locaux ont pour but d'évincer les candidatures bidons ou loufoques. Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas une candidature loufoque, et pourtant, pour l'instant, à recruter ces 500 signatures, ce n'est pas quelque chose de forcément évident. Jean-Luc Mélenchon avait proposé à François Hollande de mettre en place une validation citoyenne, c'est-à-dire avoir 1 million, 2 millions, 3 millions de signatures de citoyens pour permettre une candidature. On était prêt à relever le défi, François Hollande n'a pas voulu, car ça donnerait une autre légitimité plus prégnante au candidat qui se présente. Et donc après, effectivement, c'est aussi, pour revenir sur ce que disait Christian Lebart tout à l'heure, il y a aussi une logique quasiment dialectique, quoi. On prétend à plus d'horizontalité, à ne pas être un homme providentiel ou quoi que ce soit, mais en même temps, on est obligé de présenter un candidat et on fait appel à des systèmes plus horizontaux pour avoir un programme qui serait fait par les gens de la base. Mais bon, peut-être être un peu provocant, et pour revenir sur ce que disait Lénine, il disait qu'il fallait jouer sur le terrain des adversaires, et effectivement, il faut jouer sur le terrain des adversaires, c'est-à-dire celle de la classe dominante, celle des capitalistes, et ce système de classe de ces règles du jeu aujourd'hui ne nous permettent pas de présenter une candidature comme on voudrait la présenter dans l'idéal que serait la 6e République. D'où la volonté donc de changer les règles et ouais, tout à fait. Pour améliorer tout ça. Sauf si vous vouliez réagir peut-être, non, pas particulièrement. Moi, je voulais du coup ensuite questionner sur le fait qu'on voit la liste des candidats probables ou déclarés au présidentiel, on voit qu'il y a 21 hommes, et 8 femmes. Et est-ce qu'il y a une explication ? Est-ce que socialement, il est plus simple d'incarner le pouvoir, d'incarner la présidence de la République quand on est un homme ? Pourquoi est-ce que les hommes, aujourd'hui encore, se déclarent plus ? On voit dans la primaire de la droite, on a une femme, Nathalie Kosciusko-Morizet. Pourquoi, selon vous, est-ce que ce sont encore les hommes qui, à la présidence de la République, sont majoritairement présents et arrivent à obtenir les 500 parrainages ? Jonathan, oui, au pas. D'aller aux réunions des jeunes républicains, par exemple, pour voir que... Enfin, c'est malheureux, hein, mais si vous regardez sur une vingtaine de jeunes républicains qui viennent régulièrement en réunion, on va dire, vous avez 3 ou 4 filles. Donc après, c'est sûr que dans l'évolution politique, vers 40 ans, l'âge auquel, on va dire, les candidats aujourd'hui se présentent aux primaires, c'est vrai qu'il n'y a qu'une femme. Mais c'est parce que c'est aussi lié parce que... je pense que c'est peut-être une vision qu'on a de la politique qui a peut-être été incarnée pendant longtemps... par un homme, mais ça c'est plus à la source qu'il faut le changer, puisqu'on voit que chez les jeunes déjà, il y a beaucoup plus de jeunes hommes engagés que de femmes. Donc après, ça, je pense que c'est vers 40-50 ans, à l'Assemblée, il y a beaucoup plus d'hommes, il y a beaucoup moins de femmes. Vous voyez une évolution, vous pensez que peut-être que dans plusieurs années, on aura possiblement des femmes présidentes. Je pense que si on voit une femme présidente, ça donnera peut-être davantage envie à deux femmes de s'engager, ouais. Donc c'est en ayant des femmes qui prennent le pouvoir, ouais. Très bien. Effectivement, le système est fait aujourd'hui qu'il est globalement patriarcal et très phallocrate, comme ça l'a été rappelé tout à l'heure, et qu'il faut justement encourager à ce qu'il puisse y avoir une parité et une égalité entre les hommes et les femmes. Par exemple, à la France Insoumise, justement, cette convention, elle sera paritaire entre hommes et femmes, et quand on s'inscrit sur le site, on peut choisir homme, femme ou autre. Et il y a également la question du genre qui est très importante aujourd'hui, et qu'il faut aussi remettre à l'ordre du jour, car c'est un des enjeux futurs aussi pour la société et pour l'évolution qui se fait aujourd'hui. Et après, la façon aussi dont on aborde les réunions politiques, que ce soit celle des partis ou même dans des conférences, la façon dont on répartit la parole aussi, la façon dont se placent les hommes par rapport aux femmes, c'est toute une logique qui est assez imprégnée dans la société. Et du coup, ça demande un travail de longue haleine pour permettre justement à trouver cette égalité qui aujourd'hui, et cette inégalité est totalement... insupportable. Alors selon vous, la parité forcée serait un peu un moyen de répondre à ce problème ? Forcer les listes à avoir autant de femmes que d'hommes ? Ou est-ce qu'on peut espérer que le changement se fasse naturellement ? Utiliser l'adjectif forcé, oui. C'est un peu... Voilà, mais effectivement, oui, je pense qu'il faut mettre des limites et dire, le jeu c'est comme ça, il faut tant d'hommes, tant de femmes, il faut que ce soit paritaire. Et sinon après... on va dire oui, ça se fera tout seul, et puis au final ça se fait pas, et puis au final on se retrouve qu'avec des hommes partout, ou des députés femmes qui se retrouvent à l'Assemblée nationale en jupe et qui se font allègrement siffler par les autres députés, comme ça a été déjà vu par le passé il n'y a pas si longtemps. Et si on ne fait pas ce travail qui est certes coercitif, faut pas le cacher, mais c'est une des seules solutions qui me semble possible. Christian Lebart. Oui, alors je vais prolonger en partageant l'indignation de mes camarades, mais en soulignant aussi le paradoxe qu'on est quatre hommes autour de. Je précise qu'on a voulu inviter une femme, mais qu'on n'a pas pu malheureusement. Alors pour dire ceci, effectivement, il y a eu des gros progrès de fait grâce à la parité, mais on partait quand même de très très loin. Et pour cause, le champ politique a été construit par des hommes et pour des hommes, et donc les choses ne se font pas en un jour. Il fallait, pour bousculer les choses, parce que les hommes tenaient à la fois les assemblées, les partis politiques, ils étaient partout et partout en maître. Donc il a fallu une réforme coercitive. Je crois que c'était la meilleure solution et la plus raisonnable. Donc la loi sur la parité en 2000, et puis les améliorations qu'il y a eu depuis, les approfondissements. Alors, juste quand même un bémol, cette loi qui impose la parité dans les assemblées, dans un certain nombre d'assemblées, les conseils municipaux, les conseils régionaux, etc., elle bute sur ce que nous on appelle les symboliques d'incarnation, c'est-à-dire, il y a moitié de femmes dans les conseils municipaux, mais lorsqu'il s'agit d'élire le maire, comme par hasard, c'est quand même plutôt plus souvent un homme qu'une femme. Quand il s'agit d'élire un député, c'est plus souvent un homme qu'une femme. Et lorsqu'il s'agit d'incarner la nation, il y a une espèce d'imaginaire viril, masculin, lié à la guerre, la bombe atomique, etc., qui, encore aujourd'hui, fait pencher la balance du côté des hommes. Ça va changer dans les années qui viennent. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même eu Ségolène Royal, candidate présente au deuxième tour de l'élection présidentielle. Les grandes démocraties, aujourd'hui, sont dirigées par des femmes. Mais c'est vrai qu'en France, il reste, et probablement à cause de ce système présidentiel, il reste une petite réticence sur la fonction suprême. Jonathan Rouillot, vous n'avez pas l'air d'accord avec ce que je pense. Je pense juste que l'obligation de parité dans toutes les élections, ça peut se faire aussi à l'encontre des femmes. Puisque avoir une obligation toujours d'être dans la parité, ça peut parfois laisser à penser que si la femme a pu être élue, c'est parce que c'est une femme. Donc, voir le sexe de la personne plutôt que la qualité de la personne. Enfin, les qualités en tant que homme avec un grand H politique. Christian Lebas. Oui, ce que vous dites est juste, mais en même temps, c'est de fait la seule solution. Oui, c'est-à-dire, soit on fait ça, soit on fait rien. Mmh. Et si on fait rien, on sait que ça peut durer encore très longtemps. Eh bien, merci. Jim Delémont, vous vouliez réagir encore une fois. Juste, puisque la question est ouverte sur la place des femmes, je voudrais juste que ça me semble important aussi de l'ouverture aux autres classes sociales et aux personnes qui prennent la parole en politique, parce que combien d'ouvriers, combien de salariés à l'Assemblée nationale, beaucoup trop peu. Et justement, il faut repermettre aux gens simples, aux classes populaires, de pouvoir s'investir politiquement, de retrouver le droit à la parole. Et c'est aussi un des grands enjeux et qui est intimement lié à la place des femmes en politique. Très bien. Eh ben, donc merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Un grand merci donc à Christian Lebar, professeur de sciences politiques à l'IEP de Rennes et auteur, je le rappelle, de l'Ego politique, essai sur l'individualisation du champ politique. C'est paru en 2013 aux éditions Armand Collin. Merci aussi à Jim Delémont de Sciences pour Rennes Insoumise et à Jonathan Houyou, donc des Jeunes Républicains 35. Merci bien sûr à ceux qui m'aident à faire cette émission, Clément pour son reportage et Colin pour sa chronique média. Merci à Yves et Arthur pour la technique. Un grand merci au Club de la Presse de Rennes et de Bretagne qui nous accueille cette semaine encore dans leurs locaux pour enregistrer notre émission. Le Club de la Presse organisera d'ailleurs, j'en profite, le 12 octobre prochain un café média sur le sujet « Une presse de qualité ». Vous l'imaginez comment ? Ça se passera au bistrot La Quincaillerie Générale à Rennes et vous y êtes évidemment les bienvenus. La popote des idées, ça se poursuit sur notre page Facebook ainsi que sur Twitter avec le hashtag La Popote. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère, ou peut-être pas, à samedi 10h30 sur Radio Laser.